Chapitre 15. Le diable existe-t-il vraiment? Je suppose que pour beaucoup dans la société occidentale, le diable est devenu cette figure amusante à cornes, vêtue d'un collant rouge et armée d'un trident, que l'on voit souvent dans les fêtes costumées d'Halloween. La croyance aux esprits maléfiques est considérée comme une superstition primitive que les gens modernes et sophistiqués ne prennent plus au sérieux. Eh bien, je dois vous dire, Maddy et ici, que je prends le diable très au sérieux. En fait, je pense que quiconque essaie de suivre Jésus, ou même envisage simplement de le faire, sera confronté à l'opposition du diable. Avant de terminer ce livre, je tiens donc à vous mettre en garde contre lui. Jésus ne doutait pas de la réalité du diable, car il a été personnellement tenté par lui pendant plusieurs semaines, immédiatement après son baptême. Marc 1, 12 à 13. Plus tard, il a enseigné à ses disciples que le diable était actif chaque fois que la parole de Dieu était prêchée, cherchant à la voler du cœur de ceux qui l'entendaient, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Luc 8, 12. Et selon l'apôtre Paul, même après avoir trouvé la foi, les chrétiens doivent lutter, non seulement contre les tendances pécheresses de leur nature humaine, mais aussi contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ainsi, je me sens être sur un terrain solide lorsque je vous exhorte à ne pas sous-estimer le pouvoir du diable et certainement à ne pas le rejeter comme un personnage fictif et ridicule. Il faut toutefois reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas avec certitude au sujet du diable. Il apparaît dès le début de l'histoire biblique dans le jardin d'Éden, où il prend la forme d'un serpent rusé et parlant qui réussit à séduire Ève et, à travers elle, Adam. Genèse 3, 1 à 13. Plus tard, dans le livre de Job, nous le rencontrons parmi les anges sous le nom de Satan. Et une fois de plus, il tente de nuire à la relation spéciale entre Dieu et un être humain. Job 1. Mais ce n'est qu'avec la venue de Jésus et la naissance de l'Église chrétienne que l'hostilité du diable devient vraiment un thème majeur de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, il est représenté comme un énorme dragon rouge à sept têtes qui fait la guerre aux anges dans le ciel, et qui est finalement vaincu et détruit par le retour du Christ pour juger le monde. Apocalypse 12, 7 à 12 et 20, 10. Comme beaucoup d'autres chrétiens, je pense que la Bible nous fournit des indices importants, bien que spéculatifs, sur l'origine du diable et ses motivations dans deux passages de l'Ancien Testament. Ézéchiel 28, 12 à 19 et Isaïe 14, 12 à 17. Bien que ces passages fassent directement référence à la chute du roi de Tyr et du roi de Babylone respectivement, je pense que le langage utilisé par les prophètes s'inspire de l'histoire d'une chute beaucoup plus ancienne qui a eu lieu avant la création du monde. Satan était un ange appelé Lucifer parce que sa beauté ressemblait à la lumière du soleil levant. Malheureusement, il fut ému d'orgueil, pensant qu'il pouvait être comme Dieu, et se rebella contre Dieu, ce qui lui valut d'être chassé du ciel. Ainsi, lorsque la race humaine fut créée, il était déjà là et tenta de la persuader de se joindre à lui dans l'idée rebelle qu'elle pouvait être comme Dieu. Et bien sûr, il a d'abord réussi. Adam et Ève ont succombé à sa tentation. Eux aussi ont été éblouis par l'orgueil et ont désobéi au commandement de Dieu, de sorte qu'ils ont également chuté de la position d'honneur et de bénédiction dont ils jouissaient auparavant dans la création de Dieu. C'est pourquoi Jésus est si important. Il est venu dans le monde comme un second Adam, mais il a résisté à la tentation de l'orgueil et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, 5 à 11. Tout comme le péché d'Adam a condamné toute l'humanité, l'acte de justice de Jésus nous permet d'être déclarés non coupables. Romains 5, 19. Satan ne peut plus nous accuser, car Jésus est notre avocat et plaide en faveur de notre pardon. Romains 8, 33 à 34. En fin de compte, c'est la fidélité des chrétiens, même sous la persécution, qui permet au ciel de proclamer la victoire finale sur Satan. Apocalypse 12, 10 à 12. Vous vous demandez peut-être pourquoi le diable, qui est redoutablement intelligent, est tombé dans le piège d'encourager ceux qui ont crucifié Jésus. On nous dit que c'est lui qui a incité Judas à trahir Jésus aux mains des autorités qui voulaient sa mort. La Bible ne nous dit pas ce que pensait le diable, mais je soupçonne qu'il n'a tout simplement pas pu anticiper l'humilité extraordinaire de Jésus, ni l'étendue de l'amour de Dieu pour l'humanité. De telles idées dépassaient son imagination. Bien que Dieu l'ait créé parfait, Il lui manquait un attribut divin qui n'a été révélé qu'à la suite de l'œuvre salvatrice de Jésus, la grâce du pardon. Nous touchons ici aux limites de la plus importante grande question qu'il soit possible de poser. Pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres humains et leur a-t-il donné le libre arbitre free will? N'avait-il pas prévu que nous céderions aux tentations de Satan et que nous nous rebellerions contre lui? L'apôtre Paul se rapproche plus que quiconque de la réponse, je pense, lorsqu'il parle d'un plan secret que Dieu a gardé caché, un mystère, même aux anges pendant des milliers d'années. Ce n'est que maintenant, lorsqu'il voit les chrétiens sauvés du jugement et réconciliés avec Dieu, que ces puissances célestes comprennent enfin l'extraordinaire sagesse du dessein éternel que Dieu a accompli en Jésus-Christ, voir Éphésiens 3, 9 à 12. Alors, Maddy et Izzy, le diable existe-t-il vraiment? Oui, je crois qu'il existe bel et bien. Mais est-ce que j'ai peur de lui? Certainement pas. Voici les choses que vous devez retenir chaque fois que vous sentez que le diable essaie de vous détourner du chemin que Dieu veut que vous suiviez. Le diable est un être créé. Il n'a que le pouvoir que Dieu lui accorde. Il a dû demander la permission à Dieu pour faire souffrir Job, voir Job 1. Nous ne devons donc jamais craindre que Dieu ne contrôle pas notre situation. Son dessein, en permettant la tentation et la souffrance, est toujours de nous conduire à la maturité spirituelle et à la bénédiction future. Pierre 1, 6 à 7. Nous ne devons jamais tomber dans le piège qui consiste à rejeter la responsabilité de nos échecs moraux et spirituels sur le diable. C'était bien sûr l'excuse d'Ève, le serpent m'a séduite, Genèse 3, 13. Mais Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés par le diable au-delà de notre capacité à endurer. Jacques 1, 12 à 15. Si nous commettons des erreurs, nous devons en assumer la responsabilité. Rappelez-vous comment Jésus nous a enseigné à prier. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 12 à 13. Le diable est un ennemi vaincu. L'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix l'a privé de son pouvoir sur nous. Il est voué à la destruction finale. Cependant, il conserve encore aujourd'hui un pouvoir considérable. Pierre l'appelle l'ennemi et dit qu'il rôde comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, 8. Ainsi, comme je l'ai dit au début de ce chapitre, un chrétien avisé prend le diable au sérieux et ne sous-estime jamais ses ruses. Suivez le conseil de Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et priez sans cesse. Éphésiens 6, 10 à 18. Le salut que Jésus nous a obtenu est absolument certain, car il repose sur le dessein éternel d'un Dieu tout-puissant. Le diable fera tout son possible pour nous faire douter, mais il ne peut pas gagner. Ces paroles de l'apôtre Paul sont parmi les plus célèbres qu'il ait jamais écrites et m'ont été d'un grand réconfort lorsque j'ai dû traverser des moments difficiles en tant que chrétien. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger, l'épée? Non! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 35 à 39.